إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Donc on continue inshallah ou ta'ala l'explication en langue française du livre intitulé Min Kunuz al-Qur'an al-Karim li Sheikh al-Allama Abdel Mohsin al-Abbad al-Badr hafidhahullah ta'ala wa ra'a. On s'arrête à surat al-Najm, l'étoile. Yaqul al-Sheikh Qawluhu ta'ala Wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atum shay'an illa إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Ça c'est surat Najm, c'est le verset 26. وكم من ملك في السماوات. Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien sinon qu'après qu'Allah leur a permis en faveur de qui il veut et qu'il agrée. يقول الشيخ هذه الآية الكريمة تدل على أن الشفاعة عند الله لا تنفع إلا بتوفر شرطين أحدهما رضاه عن الشافع وإذنه له بالشفاعة والثاني رضاه عن المشفوع له. طيب. Donc dans ce verset le shir il va nous parler bien entendu de al-shafa'a, ce qu'on appelle al-shafa'a, parce que c'est ce qui est cité dans le verset, parce qu'Allah Azza wa Jalla dit لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Donc il va nous parler de l'intercession, et l'intercession bien entendu elle existe en islam, mais il faut savoir qu'il y a une intercession qui est interdite et une intercession qui est autorisée, et c'est ce que le shir va nous détailler. Dans un premier temps il nous dit que ce verset là nous prouve que shafa'a, l'intercession auprès d'Allah Azza wa Jal, est efficace ou plutôt acceptée que lorsqu'il y a, il y a deux conditions qui sont présentes. Donc, al-shafa'a, pour qu'elle soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal et qu'elle soit profitable, il faut qu'il y ait deux conditions. La première, il nous dit le shir, l'agrément de celui qui intercède et l'autorisation faite à ce dernier dans le fait qu'il intercède. Riba wa al-shafi'a wa ibnuhu lahu bi-shafa'a. Donc il faut que Allah Azza wa Jalla agrée celui qui va intercéder, qui va faire l'acte de l'intercession. Et donc c'est l'agrément, et également on trouve dedans son autorisation, c'est-à-dire qu'il l'agrée et qu'il l'autorise. وَالثَّانِي رِضَاهُ عَنِ الْمَشْفُوعِ لَهُ. Et le deuxième donc, c'est l'agrément pour qui on fait l'intercession, de celui pour qui on fait l'intercession. Donc il y a deux agréments ici. L'agrément qu'Allah Azza wa Jalla agrée à Shafir, celui qui fait l'action de l'intercession, et également l'agrément, c'est ce qui est en deuxième condition, l'agrément de celui pour qui on fait l'intercession, le mashfou, c'est-à-dire celui qui va profiter directement de l'intercession. Ensuite, le shir, donc ça, c'est, il faut bien noter ces deux conditions, on va y revenir dessus, et le shir, il va détailler, inshallah. Pourquoi ? Parce que c'est très important l'intercession. Et beaucoup de gens, malheureusement, parmi les musulmans, se sont trompés à ce sujet, ils se sont égarés pour ce qui était de l'intercession. Ils sont même rentrés dans le shirk, dans l'associationnisme, Allah al-Musta'an, pour ce qui est de cette question. Donc il est essentiel de comprendre ce que va dire le shirk pour avoir une croyance qui est saine et qui conforme à la croyance des salafs. Donc comprendre ces deux conditions, on va les détailler encore plus à travers la parole du shirk. Et le shirk ensuite il revient directement où nous rapporte une parole de l'imam al-Shawkani rahmatullah alayhi fi tafsiri. Sachant que l'imam Shawkani, il a bien entendu écrit un tafsir qui s'appelle Fathul Qadir. Il nous dit وَكَمْ هُنَا يَا الْخَبَرِيَّةِ الْمُفِيدَةُ لِتَكْثِيرِ وَمَحَلُّهَا الرَّفْعَ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ وَالْجُمْلَةُ بَعْدَ خَبَرُهَا وَلِمَا فِي كَمْ مِنْ مَعْنَى التَّكْثِيرِ جَمْعَ الضَّمِيرِ فِي شَفَاعَتُهُمْ كَمَا فِي الْآيَةِ شَفَاعَتُهُمْ وَالْمَعْنَى وَنَامْ مَعَ إِفْرَادِ الْمَلَكِ مع إفراد الملك والمعنى التوبيخ لهم بما يتمنون ويطمعون فيه من شفاعة الأصنام مع كون الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتها على الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له. طيب الإمام الشوكاني il nous rapporte une parole où le shir, Cheikh Abdel Mohsin, Hafidhahullah, qu'Allah le protège, rapporte une parole qui est très importante de l'imam Shawkani dans son tafsir au sujet de ce verset. Il fait d'abord une remarque. Il revient bien entendu tout le temps à des règles de grammaire, car on sait bien que pour comprendre le Coran, il faut passer par la compréhension de la langue arabe. C'est une chose qui est évidente et on l'a vu maintes fois à travers l'explication de ce livre. Il nous dit ici que Kam, donc on voit que cette particule Kam, on voit que le verset a débuté par cette particule qui se trouve bien sûr après wa. Donc Firqaulillah Azzawajal wa Kam Mim Malak. Kam, il nous dit ya al-khabariya, c'est-à-dire c'est une particule informative, khabariya, c'est-à-dire qu'elle est informative, al-mufida, qui va donc nous indiquer les takfir, al-mufida tous les takfir, qui va nous indiquer la multiplication, la prolifération ici, kam. Wa kam min malak, taïb, donc cette particule, elle est informative, khabariya, mufida, les takfir, c'est-à-dire qu'elle va nous indiquer la multiplication. Ensuite, il revient à des règles de grammaire. Au mahallu al-raf ala l'ibtida, ala wa ma'ruf, ala kulli hal. Et ensuite, donc, la phrase qui vient après elle, wa kam min malakim fi samawati la tourni, la phrase qui vient après, bien sûr, fi mahal al-raf kadalik, liyana wa khabar. Wa khabar kama kashan al-mubtada, shanu al-raf. Taïb. Ensuite, ça rentre dans les détails de la grammaire. Il dit wa lima fi kam min ma'na takfir, jam'a al-damir fi shafa'atu. Taïb. On voit bien ici que si on revient maintenant au terme qu'Allah Azzawajal a utilisé dans le verset, on s'aperçoit que Malak, c'est bien entendu au singulier. Ici, bien entendu, lorsque on va traduire le verset, les traducteurs vont faire apparaître directement un jam, c'est-à-dire que d'ange aussi au pluriel. Alors qu'ici, et que d'ange, c'est au singulier. Pourquoi ? Parce que c'est Malak. Et Malak, on sait bien que c'est le singulier, et le pluriel, ça va être El-Mala'ika. El-Mala'ika. Ça, c'est son pluriel. Et ici, il n'est pas dit dans le verset « Wakam min malaika ». Il est dit « Wakam min malak ». Donc, c'est ici singulier. Voyez ?« Kam min malakim fi samawat ». Et ensuite, il dit « La tourni shafa'atuhum ». Donc, ensuite, on voit « Bamir » dans la parole d'Allah Azzawajal « Shafa'atuhum ». On voit ici « Elha », ensuite le « Mim » qui ici est « Bamir muttasil »« Hum ». Il est au pluriel. Il est au pluriel. C'est-à-dire que on n'a pas dans le verset « La tourni shafa'atuhu ». Shafa'atu, c'est-à-dire que si on aurait dit Shafa'atu, Abbamir, il aurait été singulier, ça aurait revenu bien sûr au même singulier que le terme employé en début de verset qui est Malak. Ici, en fait, Allah Azzawajal a mis Shafa'atu, Abbamir, c'est-à-dire ce qui revient donc à Malak, il l'a mis au pluriel. C'est pour ça qu'il nous dit l'imam Shoukani, ma'a ifrad al-Malak, c'est-à-dire sachant que al-Malak, l'ange, il est aussi, le terme ici, il est au singulier. Et il dit el-ma'na, c'est-à-dire qu'ici ça a une signification, ce procédé linguistique. Il nous dit wal-ma'na at-tawbir lahum, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla à travers cela, il va les blâmer. Il va blâmer les gens qui passent par l'adoration des asnam, de l'adoration donc des statues, en vue de l'intercession auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah Azza wa Jalla leur fait comprendre ici que Al-Malak, il prend l'exemple Al-Malak, c'est-à-dire les créatures qui sont le plus proches d'Allah Azza wa Jalla. Les créatures, comme nous dit le shir, avec la multiplication de leur adoration et de la place honorée qu'ils ont auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et sachant que Al-Malaika, les anges, ne font jamais, ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jalla. Et avec cela, si une personne les a pris comme intercesseurs, alors, qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jalla ? La tourni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an yadhana Allahu liman yasha'u wa yarda. C'est-à-dire que cette intercession ne sera d'aucune utilité, même si on demande l'intercession, c'est-à-dire celui qui va prendre la place de celui qui intercède, c'est-à-dire Ash-Shafi'a, qui serait l'ange, son intercession à cet ange-là ne serait d'aucune utilité si Allah Azza wa Jalla ne lui a pas permis. Et s'il n'agrée pas. Donc on voit ici la permission et l'agrément qui apparaissent par rapport donc à la première condition. Alors que dire de choses, comme va nous dire le shir, bihadil jamadat al-faqida lil-aql wal-fahm, c'est-à-dire si maintenant Allah Azza wa Jalla nous parle par rapport et fait allusion aux anges, et pour ce qui est de l'intercession, alors que dire de ces choses, de ces statues, qui sont des choses inanimées, qui n'ont pas de raison ni de compréhension. Sachant qu'elle est polythéiste, c'est ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils adoraient ces statues, et leur chouboua, c'est-à-dire, eux, ils voyaient dans cela que ces statues vont intercéder auprès d'Allah Azzawajal. Et c'est pour ça que l'imam Shawkani nous dit وَوَ مَعْنَا قَوْلِهِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهِ لَهُمْ بِالشَّفَاعَ لَهُمْ بِالشَّفَاعَ, c'est-à-dire donc qu'il leur permette l'intercession. لِمَنْ يَشَاءَ أَنْ يَشْفَعُ لَهُ, c'est-à-dire qu'il permettra cela à celui dont il veut pour qu'il intercède. أَنْ يَشْفَعُ لَهُ, c'est-à-dire qu'il prenne la place de celui qui va intercéder. وَيَرْبَى بِالشَّفَاعَةِ لَهُ لِكَوْنِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَيَرْبَى. Donc ici, c'est-à-dire pour que cette intercession soit favorable en lui, et donc cette condition, quelle va être la condition ici, l'agrément? Mais l'agrément de qui? Est-ce qu'Allah Azzawajal va agréer pour les polythéistes, c'est-à-dire pour qui l'intercession va aller en faveur? Est-ce qu'il va l'accepter ou l'agréer pour les gens du polythéisme, pour les koufars? Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'il va nous dire, il va nous prouver et va nous préciser le chien ensuite. Donc c'est pour ça qu'il dit les koni min ahli tawhid, c'est-à-dire qu'il va accepter Allah Azzawajal qu'on fasse intercession pour une personne s'il fait partie des gens du tawhid, c'est-à-dire muahid, c'est-à-dire une personne qui a concrétisé l'unicité d'Allah Azzawajal comme il se devait. Laysa lil mushrikin fi dhalika hadd, c'est pour ça qu'il dit l'imam Shawkani, laysa lil mushrikin fi dhalika hadd, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune part d'intercession les polythéistes dans cela. Et c'est pour ça donc qu'Allah Azzawajal jamais n'acceptera une intercession en faveur d'un polythéiste. Pourquoi? Parce qu'il ne la mérite pas. Parce qu'il ne la mérite pas. Donc une des conditions, et ça va revenir également donc à la deuxième condition que le cheikh avait citée, ribahu an al mashfu'ila, ribahu an al mashfu'ila, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal agrée cette intercession ou qu'il agrée celui pour qui intercession est faite. Et ici donc la condition sous-entendue, c'est qu'il fasse partie de Ahl al-Tawhid. Ça c'est une condition fondamentale, qu'il fait partie des gens du Tawhid. Sinon, le polythéiste ne peut avoir faveur à l'intercession. Ensuite, en continuant à rapporter des paroles de savants par rapport à cette question très importante et qui entre dans la croyance, comme Al Yarfa, il rapporte une parole de Shir. العلامة محمد الأمين الشنقيطي يقول وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في قوله تعالى من سورة البقرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. C'est le verset 48 de سورة البقرة. Donc on voit ici que dans ce verset Allah عز وجل ينفي الشفاعة, c'est-à-dire qu'il nie l'intercession, et on va en fait comprendre pourquoi Allah Azzawajal il nie l'intercession. Et c'est ce qu'on va appeler en fait Ash-Shafa'atul Manfiya, l'intercession qui est négative ici. Il la nie, Allah Azzawajal. On voit dans le verset, lorsqu'on le traduit, on traduit son sens, et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, et on n'acceptera d'elle aucune intercession. Adawashahid, ça c'est le témoin argumentatif, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, et où on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront point secourus. Donc ici, dans la parole d'Allah Azzawajal, وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession. Donc on voit qu'Allah Azzawajal ici, il nie l'intercession. On va voir en fait à quoi elle correspond cette intercession, ou quelle va être la catégorie de cette intercession, et pourquoi Allah Azzawajal l'a niée ici, sachant que dans d'autres versets, il l'a autorisée et acceptée, bien sûr avec les conditions qu'on a citées, les deux conditions requises. Wallah al-Musta'an. Le shir, on aurait pu commencer par cela, c'est-à-dire on aurait pu commencer par cette parole de Cheikh Mohammed Al-Amin, rahmatullah alayh, qu'Allah lui fasse miséricorde, on aurait pu commencer par cette parole lorsqu'il nous parle, ce savant, de ce qu'est le terme Ash-Shafa'a au niveau de la langue et également au niveau de l'istilah. Au niveau de l'istilah. Donc il nous dit Ash-Shafa'atu fi l'istilah hiya tawassut li ghayri في جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مضرة وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوتر لأن صاحب الحاجة كان فرضا في حاجتي فلما جاء هو الشفيع صار شفعا أي اثنان. Taïb. Il nous dit en fait pourquoi ce terme shafa'a. Ce terme shafa'a, il vient du terme shaf, qui est bien sûr, qui est pendant traduit par père, et qui est le contraire, comme nous l'explique le shir, de al-witr, c'est-à-dire un père. Ça, c'est son origine au niveau de la langue. Donc ce terme al-shafa'a, il vient de ce terme al-shaf que tout le monde connaît, le père. Ce qui est père. Al-shaf ou al-witr. Et bien sûr, witr, c'est son opposé, ce qui est impair. Il nous dit filistilah, donc au niveau de sa compréhension, d'un point de vue religieux, il nous dit yattawassut li ghayri fi jalb maslah aw daf'i madarra, c'est-à-dire plaider en la faveur de quelqu'un, c'est plaider en la faveur de quelqu'un, donc d'un autre, pour ce qui est d'un intérêt, c'est-à-dire de lui apporter, en vue de lui apporter un intérêt, quel qu'il soit, ou l'écarter de ce qui lui serait nuisible. Taïb. Et pourquoi en fait on a pris ce terme shafa'a, qui vient donc du terme shafa, qui est le père. Il nous dit tout simplement que celui qui est dans le besoin, la personne qui est dans le besoin, elle était au départ seule. Elle était seule pour ce qui est en relation avec son besoin. C'est-à-dire la personne est seule dans son besoin. Elle a besoin de quelque chose, elle est seule par rapport à cela. Et lorsque shafir, c'est-à-dire la personne qui va venir intercéder pour elle, donc qui va plaider en sa faveur, elle va venir, elle va se joindre à lui, ils vont devenir alors deux. Ils vont devenir deux. Donc c'est pour ça ensuite que le shir il dit Sara Shafan et Ithnan, c'est-à-dire qu'ils vont devenir donc deux. C'est pour ça donc qu'on va utiliser ce terme et d'où vient ce terme Shafara. Ensuite il nous explique le shir Muhammad rahmatullah alayhi que Shafara, ce terme, ou plutôt dans le verset, il nous dit وَقَدْ دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُنَّةُ أَنَّ النَّفِي الشَّفَاعَ الْمَذْكُورُ هُنَا لَيْسَ عَلَى عُمُومِ. C'est-à-dire le shir va tout simplement nous citer que ici dans le verset on a وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَ. C'est-à-dire que la personne qui va venir ou l'âme qui va venir, on n'acceptera pas d'elle une intercession. Il nous dit, pour bien comprendre le Coran et pour bien comprendre ces versets, pour ce qui est en relation de l'intercession, ce n'est pas un verset où le terme utilisé ici est shafa'a. Ce n'est pas d'ordre général. Bien au contraire, il y a une précision à donner. Et il faut comprendre cela sous un angle bien plus particulier. Pourquoi il nous dit « وَأَنَّ لِلشَّفَاعَةِ تَفْصِيلًا مِنْهَا مَا وَثَابِتٌ شَرْعًا وَمِنْهَا مَا وَمَنْفِي شَرْعًا. » Donc il nous dit qu'il y a donc précision à donner pour ce qui est du terme « shafa'a » et pour ce qui est donc de l'intercession. Il y a celle qui est « thabit », c'est-à-dire « acceptée », qui est authentifié d'un point de vue religieux, shar'an, d'un point de vue législatif par rapport à la religion. C'est-à-dire, parmi cette shafara, celle qui est niée d'un point de vue également religieux, shar'an. Et il nous dit le shir, amma al-manfi shar'an alladhi ajma'a alayhi al-muslimun fa huwa ash-shafa'atu lil-kuffar. Li'anna al-kuffar la tanfa'uhum shafa'atu al-bata. كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقال عنهم فما لنا من شافعين وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب. Donc le shir nous dit celle qui est niée au niveau de la religion, c'est l'intercession en faveur des mécréants. Et bien entendu, des mécréants, il rentre dedans, de manière plus particulière, elle politiste, bien entendu. Donc, intercession pour les koufars, bijma' al-muslimin, c'est-à-dire il y a ici consensus. C'est pour ça qu'ensuite il dit le shir, fashafa'atu lil kuffar, mamnou'atun shar'an bijma' al-muslimin. Cette intercession pour les mécréants, elle est interdite de par le consensus des musulmans. Et bien sûr, ijma', c'est-à-dire le consensus des musulmans, le consensus bien entendu des savants, entre parenthèses, c'est quelque chose, le consensus à l'ijmar, c'est une des sources de législation qui est prise en compte après Al-Kitabu wa Sunna, bien entendu. Et ça, on l'avait déjà expliqué durant des cours. Qu'est-ce que était l'ijmar et comment on comprenait l'ijmar et comment on acceptait l'ijmar. Ala kulli hal. Ici, ijmar al-ulama, ou ijmar al-muslimin, c'est-à-dire que c'est un consensus. Que l'intercession ne pourra jamais être acceptée en faveur d'un kafir, d'un mécréant. Et il nous dit, il nous a donc rapporté certains versets. فَمَتَنْ فَعُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, c'est-à-dire que l'intercession ne leur sera profitable. L'intercession de ceux qui intercèdent ne leur sera jamais profitable, ne leur seront pas profitables. Famatan farum shafa'atu shafi'in. Ça, bien sûr, c'est au sujet de qui? Les kuffars. Famalana min shafi'in. Ça, c'est ceux qui, c'est lorsqu'ils disent les kuffars, les mécréants. Famalana min shafi'in, comme dans ce verset. C'est-à-dire que nous n'avons pas en notre faveur ceux qui vont intercéder pour nous. Et ensuite, également, dans le verset qu'il cite, le shirk, wala yashfa'una illa. C'est-à-dire qu'ils ne pourront faire d'intercession, ceux qui vont intercéder, que ceux pour qui Allah Azzawajal agrée. Et ceux qui l'agréent, comme on a vu précédemment, comme nous l'a précisé l'imam Shawkani, ce sont al-Tawhid, ce sont les gens du Tawhid, ce sont les gens qui font partie du Tawhid, les gens du Tawhid, les gens de l'unicité. Et il nous dit le shirk, c'est-à-dire que jamais il n'y a eu une exception à cette règle et à ce consensus des savants, sauf, c'est ce qu'il va nous dire le shirk, sauf un seul cas, et qui est arrivé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce cas là c'est la seule exception qui a été faite. Et il nous dit le shirk, illa shafa'atun nabi sallallahu alayhi wa sallam li'ammi abi talib fa inna nafa'atuhu bi an nuqila bi sababiha min mahal min an-nar ila mahali ashal minhu kama saha anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la'allahu tanfa'u shafa'ati fa yuj'alu fi dahdahin min an-nar yablughu ka'bayhi law na'lan yaghli minhuma dimaghuhu wallahu musta'an ama ghayru hadha min shafa'ati lil-kuffar fa huwa mamnu' ijma'an wa innama nafa'at shafa'atu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 'ammahu Aba Talib في نقل من محل من النار إلى محل آخر فقط. Et non. Donc le shir nous dit la seule exception qu'il y a eu pour ce qui est du kafir, du mécréant, c'est arrivé donc du temps du prophète sallam, et c'était en fait pour l'oncle du prophète Abu Talib. C'était pour son oncle que le prophète sallam, il lui a été accepté une intercession qu'il a fait en faveur de son oncle. Mais cette intercession, bien entendu, elle est très très très restreinte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une intercession qui a permis à Abu Talib, parce qu'il est mort bien sûr en état de kufr, qu'il le fasse sortir de l'enfer. Mais comme nous le précise le shir, c'est tout simplement qu'Allah Azzawajal, de par l'acceptation de cette intercession qui a été faite du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de son oncle qui est mort mécréant, elle était tout simplement sujet à donc le déplacement d'Abu Talib d'un endroit du feu à un autre endroit qui va être moins dur, bien sûr par rapport au châtiment. Et c'est pour ça que dans une des versions du hadith qui est rapporté par Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma عند مسلم auprès de l'imam muslim, يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهوانا أهل النار عذابا أبو طالب, c'est-à-dire la personne qui recevra le châtiment le moins dur parmi les gens du feu, c'est Abu Talib, c'est bien sûr l'oncle du prophète Abu Talib. Donc on voit que ce châtiment-là, c'est le châtiment le moins dur, et c'est donc le résultat de l'intercession du prophète sur sallam dans ce cas-là. Et c'est pour ça qu'il nous rapporte ce hadith, c'est un hadith muttafaqun alayh, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim dans le cas du prophète sur sallam, lorsqu'il dit le prophète sur sallam, la'allahu tanfa'u shafa'ati fa yuj'alu fi bahbahin min an-nar. Il dit le prophète sur sallam, peut-être que ma shafa'a, c'est-à-dire que mon intercession lui sera profitable, et qu'on le place. Donc ici le terme bahbahin avec deux bad, tout simplement bahbah c'est maraqqa min al-ma'i ala wajh al-ard ila nahw al-ka'bayn, c'est-à-dire c'est tout simplement comme on pourrait dire une flaque d'eau là où la personne lorsqu'elle rentre dedans ou lorsqu'elle rentre avec ses pieds dedans, ça va lui atteindre en fait al-ka'bayn, c'est-à-dire les chevilles. Donc c'est ce qui va l'atteindre du feu, c'est-à-dire le feu va simplement atteindre al-ka'bayn. Et de par cela, il aura bien sûr deux souliers, la Ounaralen, et ces deux souliers donc, qui vont être atteints par ce feu-là, donc, qu'est-ce qu'ils vont avoir pour résultat? Ils vont avoir pour résultat que son cerveau, dit Maro, Yarli, c'est-à-dire que son cerveau bout de par cette température élevée du feu. Wallah al-Musta'an. Et ça, c'est le châtiment le moins pire qui se trouve dans l'enfer. Wallah al-Musta'an. Et donc, en fait, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle, elle a été traduite par cela. C'est-à-dire donc déplacement d'un châtiment à un châtiment qui va être moins dur pour ce qui est du cas de l'oncle du prophète. À part cela, à part ce seul cas qui est arrivé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que la shafa'a, l'intercession est interdite par consensus des savants et des musulmans, donc pour ce qui est du kafir. Donc en fait, ça, c'est la première intercession qui va être négative, manfiya, Allah Azzawajal l'a dit. Et la deuxième qui est négative, c'est ce que nous dit donc le shir ici en continuant, ce qu'il rapporte le shir de shir Muhammad al-Amin. والشفاعه المنفيه الاخرى هي الشفاعه بدون اذن رب السماوات والارض فهذه ممنوعه بتاتا باجماع المسلمين وبدلاله القران العظيم كقوله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. Donc il nous dit que la deuxième intercession, et qui est considérée comme négative, c'est celle où Allah Azza wa Jalla, le Seigneur des cieux et de la terre, ne donne pas son autorisation. Donc lorsqu'Allah Azzawajal ne donne pas l'autorisation pour intercéder en faveur d'une personne, automatiquement cela devient manfiya, elle devient interdite. Et ça, bien sûr, elle ne pourra jamais avoir cette intercession, ne pourra jamais advenir cette intercession. Et ça également, bijma al-muslimin, comme nous rappelle le shir, c'est-à-dire ça, c'est de par le consensus des musulmans. C'est-à-dire également de ce que nous indiquait le Coran, de ce que nous indiquait le livre d'Allah Azzawajal dans le verset qu'on a déjà étudié lorsqu'on a étudié Surat ou Ayat al-Kursi. Donc ça, c'est pour ce qui est des deux intercessions qui sont dites négatives. Ensuite, pour terminer, et donc pour nous donner maintenant celle qui est considérée comme ثابت, celle qui est considérée comme jahiza parmi bien sûr l'intercession, il nous dit وقال, donc c'est toujours de la parole de Cheikh Mohammed, أما الشفاعة للمؤمنين بإذن رب السماوات والأرض فهي جائزة شرعا وواقعة كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة كما في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقوله جل وعلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Et donc il nous dit, pour terminer, celle qui est permise, et celle qui est permise donc au niveau du char, et celle qui va être effective, c'est celle bien sûr qui va être en faveur des croyants, donc Allah Azza wa Jalla l'agrée pour ce qui est des croyants, des gens du Tawhid, et bien entendu avec son autorisation, c'est-à-dire qu'elle va advenir de par son autorisation. Il a agréé ces personnes-là, il leur a permis qu'on intercède en leur faveur. Donc ça, c'est celle qui est considérée donc comme thabita, comme jaiza, comme permise au niveau de la législation. Et donc voilà pour ce qui est l'explication de ce verset. Ensuite, le shir il passe à surat al-Hadid. Fayaqul, qawluhu ta'ala, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Donc la traduction, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Il nous dit le shir d'Al-Mursin que dans ce verset Ma'na al-Ayat, il nous dit أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه أرسل رسله بالآيات. الآيات, ce sont en fait les mu'jizat, ce sont en fait les miracles qui vont prouver la réelle prophétie des envoyés d'Allah عز وجل, la sincérité des envoyés. Ça, c'est l'آيات, et le maqsoud, c'est المعجزات. Et donc l'آيات, ça revient donc au terme qui est utilisé par Allah Azza wa Jal. Il veut dire par là donc bil bayyinat, et qu'on dit aussi bil bayyinat, qu'on a traduit ici par des preuves évidentes. Wa anzala al-kitab wal murad bihi al-kutub. Donc on voit en fait ici un des cours qu'on a fait au tout début du livre. On est bientôt arrivé à la fin du livre. On s'aperçoit donc que ce qu'on a étudié au début va nous profiter ici. Lorsqu'il dit Allah Azza wa Jalla al-Kitab, on sait ici que c'est mufrad, c'est-à-dire singulier, le terme al-Kitab. Mais al-Muradoui al-Kutub, c'est-à-dire tous les livres. Tous les livres. Allah Azza wa Jalla a fait descendre plusieurs livres. Des livres qu'on va nous dire le cher qu'on connaît, des livres que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire des livres qui ont été cités et d'autres qui n'ont pas été cités. Et donc, on voit bien le terme ici al-Kitab au singulier, mais qui veut dire des livres. Donc, il aurait fallu traduire les livres. Ou sinon, si on traduit le livre, c'est-à-dire le livre de chacun. Wanzala al-Mizan. Al-Mizan. Donc, on voit ici qu'Allah Azza wa Jalla dit al-Mizan. Al-Mizan. Al-Mizan, on a déjà vu aussi dans les cours de croyance. Qu'est-ce que veut dire ce terme Al-Mizan? Est-ce qu'ici c'est la balance elle-même? On a vu que ce qui était voulu par ce terme Al-Mizan, c'était ici Al-Adl wal-Insaf. Al-Adl wal-Insaf, comme nous le dit, nous l'informe Cheikh. C'est donc la justice et l'équité. Ici, le terme Al-Mizan, c'est la justice et l'équité. Al-Adl wal-Insaf. Et bien entendu, les livres qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre, ils comprennent cette justice et cette équité. Et il nous dit le Cheikh ensuite, pour revenir pour ce qui est des livres, il nous dit que Allah Azza wa Jalla nous en a cité 5 dans le Coran. Bien entendu, le Coran lui-même. Et également la Torah, l'Injil, le Zabur, le Suhuf Ibrahim et Moussa. Donc ça en fait 5. Et il nous dit, وَمِنْهَا مَا لَمْ يُقْصَصَ, c'est-à-dire parmi eux, des livres qui n'ont pas été cités. Et donc, bien entendu, ici, ça revient à un des points de croyance qu'on avait déjà cité pour ce qui est des livres, pour ce qui est également des prophètes, pour ce qui est également des anges, c'est-à-dire iman mujmal wa iman mufassal, c'est-à-dire une croyance qui est d'ordre général, une croyance qui va être d'ordre particulière ou précise. C'est-à-dire qu'on croit de manière précise à ce qui a été cité dans le Coran pour ce qui est des livres, ici, 5. Mais également iman mujmal, c'est-à-dire une foi qui va être bien plus générale. Et cette foi-là va englober tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre comme livre, notre croyance dans ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre comme livre qui ne nous ont pas été cités. Donc d'autres livres. Ça c'est de même pour ce qui est des prophètes. Ceux qui ont été cités, ceux qui n'ont pas été cités. De même pour ce qui était des anges. Pour ce qui est des anges, ceux qui ont été cités, ceux qui n'ont pas été cités. Donc dans tous ces points de croyance, on voit qu'il y a ce qu'on appelle, ce que nous rappellent les savants, l'iman al-mujmal. La croyance de manière globale et également l'iman al-mufassal, la croyance de manière ou la foi de manière particulière ou précise dans ce qui nous a été cité dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également il nous dit le shir que les livres et bien entendu que le Coran parmi ces livres ils ont été descendus donc avec plutôt ils comprennent la justice et que cette justice là on doit l'appliquer et que le Coran et les autres livres ont été descendus pour qu'ils soient appliqués dans la société. Ça, c'était le but de la descente. Et ensuite, il nous dit, on voit que dans la suite du verset, Allah Azza wa Jalla, après avoir parlé du livre, après avoir parlé de la justice, et avant également de l'envoi des prophètes, il va nous parler du hadith, il va nous parler du fer. Il va nous expliquer pourquoi Allah Azza wa Jalla ensuite a parlé du fer. Et comme c'est cité dans le verset, il nous dit le shir, Anna wa anzala subhanahu wa ta'ala al-hadith al-mushtamal ala bas al-shadid. لردع من لم تؤثر في الكتب وعلى المنافع العظيمة الكثيرة للناس في معاشهم كالمراكب المتنوعة في هذا الزمان وكآلة الحرف والبناء وسائر وجوه للاستعمال للحديد. Donc le shir nous dit qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre le fer. Pourquoi? Parce que dans le fer, comme il est cité dans le verset, dans le fer il y a une force redoutable, basun shadid, une force qui est redoutable dans le fer. Pour ramener, comme nous dit le shir, pour ramener vers la vérité ceux dont le livre ne leur a pas fait d'effet ou qui n'ont pas été influencés par le livre. Et le shir va revenir sur cette question-là et comment on va comprendre ici. Et également, comme c'est cité dans le verset, manafia arvima, des intérêts qui sont grands pour les hommes et pour ceux qui touchent leur vie de tous les jours. Il prend des exemples, le shir, comme à notre époque. Tout ce qui rentre dans les moyens de transport et également tout ce qui rentre dans les outils d'agriculture, de construction, etc. Tout ce qui va en fait toucher, tout ce qui va être sujet à l'emploi du fer. Et également, comme il est cité dans le verset, afin qu'Allah Azza wa Jalla connaisse dans l'invisible ceux qui vont défendre sa cause et celle de ses messagers. Également. Et on a déjà vu aussi, ça on revient au premier cours, qu'on va comprendre ce verset, ou comme on va comprendre également cette parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, c'est-à-dire pour qu'Allah Azza wa Jalla sache, est-ce qu'on va comprendre qu'Allah Azza wa Jalla ne savait pas et qu'il a su après avoir donc fait descendre le hadith. Bien entendu, Adam Moumtanir, ça c'est interdit dans le droit d'Allah Azza wa Jalla. Et donc, comme on l'avait déjà expliqué lorsqu'on a expliqué le verset que le cheikh nous recite ici, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. On avait vu que dans ce verset, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit qu'il avait placé le qibla, nam, et nous n'avions établi la direction qibla, nam, vers laquelle tu te tournais, que pour savoir qui suit le messager Mohammed et qui s'en retourne sur ses talons, On avait expliqué ici le faïda, l'intérêt de cela, c'est vuhur al-amru lin-nas. Wallahu alimun bi dhati as-sudur. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla sait tout. Il sait le futur, il sait ce qui s'est passé. Allah Azza wa Jalla, sa science embrasse tout et elle est universelle. Elle est parfaite, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, bien entendu, de manière évidente, on va comprendre que ce verset-là, al-fa'ida, c'est-à-dire l'intérêt ici du verset et de ce que nous dit Allah Azza wa Jal, vuhur al-amru lin-nas, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va faire apparaître devant les gens la vérité, devant tous les gens. Tous les gens vont savoir, ici dans notre cas, tous les gens vont savoir ceux qui vont réellement défendre le prophète, ceux qui vont secourir Allah et son prophète, de part. Le faire de par l'utilisation, c'est-à-dire durant le djihad. Ensuite, il nous dit wa inzalul kutub wa min indillah azza wa jal, comme a dit Allah azza wa jal, tanzilul kitab min Allah al-aziz al-hakim. Et également, il dit Allah azza wa jal, tanzilul kitab min Allah al-aziz al-alim. Le premier, c'est surat Zumar, c'est le premier. Naam. La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. Donc, il nous dit, le shir, que les livres, la descente des livres vient d'Allah Azza wa Jalla directement. Tanzilul kitab min Allah al-Aziz al-Hakim. Et également, Tanzilul kitab min Allah al-Aziz al-Alim. C'est-à-dire, la révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage, et la révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le savant. Et également, il dit Allah Azza wa Jalla, Tanzilul min ar-Rahman ar-Rahim, kitabun fussilat ayatu. C'est-à-dire, une descente de la part du miséricordieux, du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Et d'autres encore versets, donc qui nous prouvent que Allah Azza wa Jalla fait directement descendre les versets ou les livres. Il nous dit ensuite وَأَمَّا إِنْزَالُ الْحَدِيدِ فَوَا مِنَ الْجِبَالِ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ فِيهَا قَالَ إِبْنُ أَبِي الْعِزِّ الْحَنَفِي فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيَةِ فِي إِنْزَالِ الْحَدِيدِ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض وقد قيل إنما كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. طيب. Ensuite, il nous rappelle que pour ce qui est de la descente du fer, alors elle provient des montagnes, min al-jibal, des montagnes qu'Allah Azza wa Jal a créées, et dont il a créé donc le fer à l'intérieur de ces jibal, à l'intérieur de ces terres, ou plutôt de ces montagnes. Et ensuite, il nous rappelle une parole de celui qui a expliqué, qui est connu, qui a expliqué la profession de foi ou la croyance al-Tahawiyya, qui est considérée comme faisant référence à l'imam al-Tahawi, et qui est Ibn Abi al-Aiz al-Hanafi. Il dit à propos de cela, c'est-à-dire à propos de ce verset, pour ce qui concerne al-Hadid, il dit que al-Hadid, il se trouve en fait dans les métaux, qui sont dans les montagnes, ou la matière minérale, qui est, ou les métaux nam, qui se trouvent dans les montagnes. Et qui est bien sûr élevé au-dessus de la terre. Et il nous dit que à chaque fois où plus la montagne est élevée et plus donc on va récupérer ce fer ou ces métaux de meilleure qualité. Ça c'est une faïda qu'il nous donne. Ensuite, وقد جمع الله في هذه الآية بين القوتين المعنوية والحسية ودعوة إلى الحق تكون بالبيان فإن نفعت حصل المقصود وإلا انتقل إلى القوة الحسية. طيب. Il nous dit donc, ça c'est la parole de Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, il nous dit qu'Allah Azza wa Jal a réuni dans ce verset les deux forces. Il a réuni Allah Azza wa Jalla dans ce verset les deux forces, al-ma'nawiyya ou al-hissiyya. Celle qui est dite ma'nawiyya, c'est-à-dire celle que l'on ne peut voir, cette force-là qui se trouve en fait dans le Coran, dans le livre d'Allah Azza wa Jalla, cette force que l'on trouve à travers les versets du Coran, à travers al-ayat, al-bayinat, à travers les preuves claires que le Coran, dont le Coran regorge, ça c'est al-ma'nawiyya, al-quwwatu al-ma'nawiyya. Et il nous dit al-hissiyya, celle qui est palpable, et c'est celle donc qu'on va trouver dans le fer. Et bien sûr, ici allusion faite aux armes de manière générale qui sont faites à partir du fer, que ce soit le sabre ou que ce soit les armes de notre époque qui sont faites à partir du fer, et dont Allah Azza wa Jalla a placé, comme dans ce verset, une force, une très grande force. Il nous dit ensuite le shirk qu'au départ, ad-da'wa ila al-haq, c'est-à-dire qu'appeler les gens à la vérité se fait par bil-bayan, se fait donc par les preuves, par l'éclaircissement. Donc mettre en évidence que la vérité, c'est celle qui se trouve dans le Coran, ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a appelé à croire en lui, à délaisser tout ce qu'on adore en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est al-bayan, mettre en évidence cela. Et donc leur faire parvenir les versets du Coran et leur expliquer les versets du Coran et donc les appeler au message du Coran. Il dit si cela est profitable, si cela donc a donné un résultat, hasal al-maqsoud, c'est-à-dire que le résultat, alhamdulillah, il a été concrétisé. Sinon, alors à ce moment-là, on va passer donc à la force qui est dit hissiya, à la force matérielle. Elle va nous rapporter à propos de cela un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est fi sahih muslim, c'est-à-dire dans l'authentique de muslim. An Buraydata ibn al-Husayb قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش أوصاه في خاصتي بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزو بسم الله في سبيل الله قاتل من كفر بالله. طيب. Donc il nous rapporte par rapport à, pour appuyer ce qu'il dit, le shirk, c'est-à-dire lorsque l'on commence par la da'wa en rappelant donc les preuves tirées du Coran, al-bayan, et que cela donc n'a pas donné de résultat, alors on passe donc à l'utilisation de la force. Et il nous dit donc dans ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim An Bureyda radiallahu ta'ala an, il nous dit ce sahabi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il plaçait donc comme amir, c'est-à-dire comme chef qui allait donc commander un groupe d'armée ou qui allait commander une armée, Aousaou fi khasati bitaqullah, donc il lui recommandait à cet amir, il lui recommandait de craindre Allah Azza wa Jalla. Et ensuite il disait ثم قال اغزو بسم الله في سبيل الله, c'est-à-dire combat au nom d'Allah dans le chemin d'Allah, قاتل من كفر بالله, c'est-à-dire combattez ceux qui ont mécru en Allah Azza wa Jalla, combattez ceux qui ont mécru en Allah Azza wa Jalla. Donc on voit ici parce que ce hadith il est rapporté par l'imam muslim, on s'aperçoit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est descendu sur lui le Coran et qu'il a mis en évidence les versets du Coran et qu'il a appelé son peuple avec les versets du Coran al-bayinat, et donc il leur a fait passer le message. Cela n'a pas été pour tout le monde bénéfique. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est donc passé à la force, et on connaît bien entendu comment cela s'est passé durant son vivant lorsqu'on revient à la sira de façon générale. C'est pour ça qu'il dit وَفِي أَنَّهُمْ يُدْعَوْنِ إِلَى الْإِسْلَامِ, c'est-à-dire qu'on les appelle dans un premier temps le kuffar, on les appelle à l'islam, on leur montre la vérité et on leur prouve que c'est la vérité, bien sûr cela avec science, en se basant sur les versets du Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَإِنْ أَبَوْ تُولِبُوا مِنْهُمْ اَدْفَعَ الْجِزْيَ, c'est-à-dire que s'ils ne veulent pas rentrer dans l'islam, alors à ce moment-là c'est la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on va leur demander de payer ce qu'on appelle la capitation, comme قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, c'est-à-dire lorsqu'ils versent la capitation par leurs propres mains ils seront en état d'humiliation, comme في هذه الآية. Et s'ils ne veulent pas donc à ce moment-là payer cette capitation, cet impôt, et qui va bien sûr être en contrepartie de la protection des musulmans envers ce peuple, alors s'ils ne veulent pas payer à ce moment-là, il y aura le combat. Il y aura le combat jusqu'à la mort. Ça donc c'est bien sûr, on avait déjà vu, on avait déjà parlé, c'est bien sûr les trois al-marahil, c'est-à-dire les trois étapes. Ensuite il va nous rappeler le shir, une parole de Shir Muhammad al-Amin al-Shankriti rahmatullah alayh, dans son tafsir Abwaul Bayan qu'on ne présente plus. Il nous dit le shir wa'alam anna da'wata ila Allahi bi tariqin, tariqin layin wa tariqin qaswa, ama tariqin layin fa hiya da'watu ila Allahi bil hikmati wal maw'izati al hasanati wa idah al adillati fi ahsan usubin wa altafihi fa in najahat hadhihi al tariq fa biha wa ni'mat wa huwa al matlub wa in lam tanjah تعينت طريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده وتمتثل أوامره وتجتنب نواهي, وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في بأس شديد. Donc il va revenir sur le verset qu'on est en train d'étudier. Et nous dit le shir que dans la da'wa, dans le prêche, il y a en fait deux voies. La première qui dit douce, et la deuxième, celle qui va être considérée comme dure, qaswa, celle qui va être considérée comme dure. Il nous dit celle qui est douce, la voix dans la da'wa qui est considérée comme douce, c'est celle lorsqu'on appelle les gens à Allah Azzawajal bil hikma, c'est-à-dire de par la sagesse, et donc en les appelant de la meilleure des façons, et en leur prouvant et en leur démontrant les preuves de la meilleure des manières, de la meilleure des manières, avec hikma, avec sagesse, comme il se doit. Et ça, bien sûr, c'est le rôle des savants, c'est le rôle également de ceux qui ont la capacité, l'habilité d'appeler les gens à l'islam, d'après bien sûr la science qu'ils ont appris. Il dit ensuite le shir que si cela réussit, Fabia wa ni'amat, c'est-à-dire wal matloub, c'est ce qui est demandé, c'est ce qui est demandé. Par contre, si cette méthode ne réussit pas, cette voie, cette méthode ne réussit pas, alors on va passer à la deuxième méthode, et qui est la force, c'est-à-dire bisayf. Parce qu'il dit bien sûr bisayf, c'est bien sûr par l'arme, de manière générale. Lorsqu'il emploie le saïf, bien sûr, c'est le sabre et l'arme de façon générale, jusqu'à qu'on adore Allah Azzawajal lui seul, et que ses limites soient placées et soient respectées, et jusqu'à que ses ordres soient respectés également et que ses interdictions soient écartées. Et ensuite, il a récité ou il a rappelé le verset qu'on est en train d'étudier. Et il nous dit Fafil ishara ila i'mal saïf par iqamati al-hujja. C'est-à-dire qu'on met en action le sabre une fois que la preuve a été mise en évidence. On a mis en évidence les preuves. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de flou. La preuve a été mise en évidence. Pour ceux qui ont cru, ont cru. Ceux qui n'ont pas cru, ils n'ont pas cru. Il va nous rappeler une parole qui est connue. Et une parole, comme il va nous le citer, une parole dont on dit que c'est une parole de Amir al-Mu'minin Uthman ibn Affan. Le calife bien guidé Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, qui disait « Inna Allah la yaza'u bi sultani ma la yaza'u bi al-Qur'an » Il disait en fait, Othman, qu'Allah Azzawajal, Inna Allah la yazaru bi sultan, qu'Allah Azzawajal va réprimander ou contenir par l'autorité ce qu'il ne réprimande pas ou contient de par le Coran. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? C'est une phrase qui est remplie de sagesse et de vérité. Il va nous expliquer, pour donner la précision, il va nous dire, le shir, que cette parole-là, certains ont dit que c'est un hadith. Et c'est une erreur, ce n'est pas un hadith. C'est lorsqu'on dit hadith, une parole du prophète. Cette parole-là, ce n'est pas une parole du prophète. Et c'est une erreur parmi les grands savants. Et parmi eux, Ibn Kathir, fil bidayati wa niyaya. Wa qad wahima fi tafsiri fil kalam ala qawlillah azawajal. Wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Fi surat al-Isra, qui est le verset 80. Yaqul, idh qala wa fil hadith, inna Allah la yazab bi sultan. Il a donc cité cela, il a dit fil hadith, Ibn Kathir. Alors que ce n'est pas un hadith du prophète, donc c'est une erreur de sa part. Et donc on voit en fait que tout le monde peut tomber dans l'erreur. Ça c'est une chose qui est humaine, même si ça vient des grands savants. Ala kulli hal, si c'est tanbi, c'est pour nous préciser que ceci n'est pas une parole du prophète, mais une parole donc qui est attribuée à Amir al-Mu'minin Uthman ibn Affan. Qu'est-ce que veut dire cette parole-là? Tout simplement, on sait qu'on ne peut appliquer et que les gens ne peuvent suivre certaines choses que par l'autorité. Que par l'autorité. Un exemple que l'on vit par exemple ici, en Arabie Saoudite. Si maintenant je passe devant un magasin qui met de la musique ouvertement, c'est-à-dire à son fort, c'est-à-dire qu'on va l'entendre même de dehors de la rue, on va passer devant et on va donner une nasiha. On va expliquer de par les versets du Coran que cela ne convient pas et que cela est contraire au din taïb. Donc on va venir en fait avec des preuves. On va venir avec des preuves et on va faire une nasiha. Ça c'est bil Qur'an, de façon générale. La personne, si elle a une grande foi, elle va accepter. Elle va s'arrêter. Mais dans beaucoup de cas, on va s'apercevoir qu'une fois qu'on est parti, la personne va remettre la musique, ou que même pas, elle ne va écouter ce qu'on dit. Si on revient la deuxième fois, et qu'on lui dit « Tayyib, donc je viens avec Al-Hayya demain », c'est-à-dire que demain je vais venir avec la police des mœurs pour qu'on règle ce problème. Qu'est-ce qui va se passer? La personne, plus jamais on va l'entendre remettre la musique. Donc ici, c'est une application. C'est-à-dire que, de par l'autorité, les personnes craignent l'autorité. Donc de par l'autorité, elles obéissent. Par contre, si on, et ça bien sûr c'est dans le cas de ceux qui sont faibles au niveau de la foi, ceux qui n'ont pas atteint un certain niveau de foi. Donc ces gens-là, si tu leur rappelles par les versets du Coran, peut-être ils c'est-à-dire qu'ils ne vont pas obéir à cela et qu'ils ne vont pas, que ce rappel ne va pas être profitable. Par contre, si tu leur rappelles l'autorité et que tu vas venir avec l'autorité et que bien entendu l'autorité va les contraindre à faire cela par la force, alors là ils vont obéir. Donc c'est dans ce sens la parole de Othman, Inna Allah la yazaru bi sultani ma la yazaru bil Qur'an. Et c'est quelque chose qui est connu. Et c'est pour ça ici, pourquoi il le cite, le shir, c'est en faisant allusion également au verset. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azzawajal, dans un premier temps, il a fait descendre le livre, bil bayinat. Mais beaucoup de gens ne vont pas obéir à cela et ne vont pas suivre la voie du Qur'an. Donc ici, il y a ta'ayyan al-quwa, c'est-à-dire à ce moment-là, on va utiliser la force. Et bien entendu, al-sultan, l'autorité, va ici être la force. Yani, al-sultan yumathil al-quwa. C'est-à-dire, sultan, l'autorité, c'est elle qui va détenir, bien sûr, la force. Ensuite, il nous donne, et c'est ce qu'on va terminer par rapport à cela, il nous donne également une autre faïda. Et c'est ce qui revient à ce qu'on a cité par rapport au fait que certains savants, des moments, se trompent par rapport à une parole et ils disent que c'est un hadith. Il revient tout simplement à ça. Et on le cite à titre de faïda. Il nous rappelle également ce qui est arrivé pour l'imam Ibn al-Qayyim, fi mas'alati ukhra. Faqala fi kitab al-ruh. Vous savez que l'imam Ibn al-Qayyim, il a un livre qui s'appelle Kitab al-ruh. Et il nous rappelle le shir, wa fil hadith, ma la nafsa lahu sa'ila la yunajjis al-ma idha mata fi. Ou la yunjis al-ma'a idha mata fi. Tayyib. Il va nous citer tout simplement une parole, l'imam Ibn al-Qayyim, dans ce livre, Kitab al-Ruh, il va dire que c'est un hadith, lorsqu'il dit « wafil hadith ». Donc on comprend, lorsqu'il dit « wafil hadith », comme l'a dit Ibn Kathir, fi Kitab al-Bidayah, lorsqu'il a cité donc cette parole, « Inna Allah la yazaru, bi sultan ila akhir », on va voir que Ibn al-Qayyim a fait la même chose et qu'il a dit également aussi « wafil hadith ». C'est-à-dire qu'on va comprendre que c'est un hadith du prophète sallam, une parole du prophète sallam, et ce n'est pas le cas. C'est tout simplement une question qui est en relation de jurisprudence. Ma la nafsa lahu sa'ila. Ce terme-là, ma la nafsa lahu sa'ila, c'est un terme que l'on retrouve surtout fi kitab al-tahara. Fi kitab al-tahara, dans le livre, les premiers chapitres des livres de jurisprudence. C'est une question que l'on retrouve souvent. Et quel est al-murad, comme l'explique le shir et qui est connu, al-murad bi la nafsa lahu sa'ila, c'est tout ce qui ne contient pas de sang, comme par exemple les abeilles, comme par exemple les mouches. Ces choses-là ne contiennent pas de sang en elles-mêmes. Bon, c'est ce qu'on appelle en fait la nafsa lahu sa'ila. Taïb. On aurait pu traduire naf, bien entendu, par celles qui n'ont pas d'âme. Mais ici, al-maqsoud, c'est tout ce qui n'a pas de sang. Donc, à l'exemple qu'on a dit des mouches, et à l'exemple également des abeilles, etc. Tout ce qui n'a pas de sang, tout ce qui ne contient pas dans son corps du sang. Et ça, bien entendu, les savants nous disent et précisent que, comme c'est dans le cas ici, que ça ne pollue pas l'eau lorsqu'elle meurt à l'intérieur. Ça ne pollue pas l'eau lorsqu'elle meurt à l'intérieur. Donc tout simplement, cette phrase-là, il l'a mis en tant que hadith, et ce n'est pas un hadith. Et c'est pour ça qu'il dit dans un autre livre, et bien sûr un livre qui est venu bien plus tard que Kitab al-Ruh, il dit « Wa qala fi kitab Zad al-Ma'ad, wa awalu ma hufidha anhu fi l'islam, anhu takallama bi hadhihi al-lafza, fa qala ma la nafsa lahu sa'ila Ibrahim al-Nakha'i. » C'est-à-dire que cette expression, pour désigner tous ceux qui ne possèdent pas de sang, « ma la nafsa lahu sa'ila », la première personne qui a dit cette parole-là, pour donc désigner cette catégorie, c'est Ibrahim al-Nakha'i, c'est-à-dire bien sûr Ibrahim al-Nakha'i, le grand faqih, rahmatullah alayh. Et donc c'est lui qui a dit la première fois cette parole-là. Et donc une expression qui va revenir souvent dans les livres, comme je l'ai dit, dans les livres de jurisprudence. C'est-à-dire les autres fuqaha, les autres jurisconsultes ont repris cette expression, ensuite l'ont traduit par un chapitre. Et ont donc parlé de cela à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pour rappeler tout ce qui était en relation au niveau des ahkam, dans ce qui ne contient pas de sang. Donc on voit ici que dans ce hadith, dans son livre Kitab al-Ruh, il a dit « wafil hadith » et ce n'est pas un hadith. Donc ici c'est une faïda pour comprendre que par moment, dans un premier temps, il arrive des erreurs, même des grands savants, et bien entendu, il faut donc ici rectifier. Parce que c'est un hadith, ça n'a pas bien sûr le même hukm, ça n'a pas le même statut que si ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك